FPP vous propose d'écouter la captation de la journée d'hommage à Maurice Rachfus qui s'est déroulée le samedi 4 juillet à La Parole Errante. Vous entendrez dans la première partie des interventions de diverses personnes ayant croisé Maurice Rachfus. Dans la deuxième partie, vous entendrez la table ronde consacrée à Maurice Rachfus, témoin et historien de la répression du Vel'd'Hiv à nos jours, regard croisé sur ses livres. Et dans la troisième partie, vous entendrez la table ronde consacrée à dénoncer les violences policières, transmettre le flambeau, le combat d'une vie. Deuxième partie. On entend là ? Est-ce que tout le monde entend ? Bon, allez. Évitez d'être peut-être trop proches les uns des autres, pour ceux en tout cas qui sont debout vers le fond de la salle, ou essayez de, si c'est encore possible, de récupérer quelques sièges. On va démarrer maintenant rapidement la première table ronde. Essayez pour de se répartir. Tous nos auditeurs sur le site de La Parole Errante et Fréquence Paris Pluriel 106.3, mais aussi sur le site de Pinot. Donc on entend à l'instant Marc, qui est le fils de Maurice Rachfus, et qui présente la première table ronde de la journée. Cette table ronde, en compagnie de Nicole Abravanel, historienne, et Daniel Kupferstein, documentariste. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, donc pas de problème. Donc l'idée, c'est de revisiter un peu le travail de Maurice, qu'il a commencé à effectuer à partir des années 80 jusqu'au début des années 2000. On n'abordera pas, a priori, la question, je pense pas, de l'antifascisme, mais surtout plus son travail d'historien et plus ses écrits sur l'histoire de la répression. Voilà, bah écoutez, bonne table ronde. Qui est pas très bon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence très nombreuse. Vous êtes certainement, comme nous, très émus, très touchés. Et pour ma part, je suis aussi vraiment honorée, c'est un mot un peu grandiloquent, mais pour le coup, il est très sincère, d'être là. Donc évidemment, on ne va pas monologuer, on ne va pas parler tout seul, tous les trois. Hein. L'idée, c'est que la parole circule le plus possible. Donc on va vous présenter en quelques mots les enjeux qu'on va essayer de poser. En réexplorant ensemble l'œuvre de Maurice comme historien, un historien engagé, grâce donc à la présence de Nicole et de Daniel, et je vais revenir évidemment en quelques mots sur l'importance de leur présence et la raison de cette présence. Et puis donc on fera circuler cette parole. On a prévu d'intervenir sur trois moments essentiellement qui scandent justement le travail historien de Maurice, c'est-à-dire le moment Vichy-occupation autour de la rafle et autour de son travail qui a inauguré en fait évidemment toute sa recherche et qui n'est pas dissociable du traumatisme originel, même s'il s'agissait aussi pour lui de prendre la distance nécessaire tout en étant sans cesse un historien engagé. Ensuite, on évoquera en quelque sorte les filiations qu'on peut retrouver dans cette histoire avec le moment de la guerre d'indépendance algérienne. Et en quelque sorte, notamment grâce au travail de Daniel, on pourra revenir sur ce segment chronologique qui va du 14 juillet 1953, c'est-à-dire un de ces massacres d'État perpétrés sur ordre par la police française, jusqu'à Charonne, en passant par le massacre d'État qui a été le 17 octobre 1961. Et puis on dira aussi quelques mots de 1968, puisque le travail de Maurice a précisément aussi en raison de sa participation à la grève générale de mai-juin 68, a voulu aussi, par son travail, notamment autour de sous les pavés, la répression, évoquer la violence de cette répression policière. Et on terminera pour surtout ouvrir la discussion sur l'enjeu du soutien qu'a toujours apporté Maurice à la cause du peuple palestinien. Et pour nous, c'est aussi une trame qu'il s'agit de suivre, ce qui lui a valu évidemment l'opprobre de certains et certaines historiens et historiennes du monde un peu académique, on va dire, et de certains médias également. Alors moi, pour introduire cette discussion, je voulais revenir sur ce que disait Pierre Vidal-Naquet au sujet de Maurice. Donc vous savez peut-être que l'historien Pierre Vidal-Naquet, lui-même extrêmement actif contre la torture en Algérie, qui a très largement contribué aussi à dénoncer ceux qu'il a nommés les assassins de la mémoire. Pierre Vidal-Naquet avait préfacé le premier livre de Maurice, Des Juifs dans la collaboration. On va y revenir. C'est un livre qui a fait polémique, justement, dans le milieu des historiens, on va dire, professionnels. Et ce que disait Pierre Vidal-Naquet il y a finalement quelques années seulement à propos de Maurice, c'est « il en faudrait des centaines comme lui ». Voilà. Et je trouve que c'est un très bel hommage, une formule qu'on peut retenir, parce que c'est vrai que le travail exceptionnel, incroyable de ténacité, il en faudrait, voilà, comme ça, en effet, à profusion, pour révéler, mettre au jour, contribuer à lever les silences de l'histoire. Il faut se rappeler que Maurice avait consacré une thèse de sociologie, justement, aux manipulations de la mémoire. Et donc, on peut vraiment considérer que son travail est une œuvre d'historien assez exceptionnelle, parce qu'il a vu des milliers et des milliers et des milliers de documents, dont on sait aussi qu'il les a, pour ce qui est des coupures de presse dénonçant les violences policières, collectés patiemment, au point que ça représente en fait un véritable trésor qui devrait trouver preneur. On en discutera sans doute tout à l'heure avec David Dufresne, notamment auprès de chercheurs et chercheuses, mais aussi de centres d'archives. En fait, je pense qu'il y a une sorte de continuité entre un certain Marcel Mulot. Marcel Mulot, c'est ce policier voisin de la famille qui, en 1942, a dénoncé et a participé à la rafle dite du Veldiv le 16 juillet 1942. Ce policier que Maurice a retrouvé bien des années plus tard pour essayer tout simplement de comprendre quelles avaient été ses motivations dans la délation. Et le Marcel Mulot en question avait répondu qu'il n'en avait rien à faire, en fait. Il n'avait vraiment pas envie d'en parler. Et il fait partie, ce Marcel Mulot, finalement, de ces policiers qui se sont réintégrés tranquillement après la guerre à la police supposément républicaine. Voilà, il y a un fil de continuité finalement entre cet homme qui s'est agi pour Maurice de retrouver jusqu'à celui qui a assassiné Makobe Mbowole le 6 avril 1993. Donc ce jeune homme qui a été tué dans un commissariat d'une balle en pleine tête à bout touchant. Et qui a poussé Maurice, comme vous le savez, à créer l'Observatoire des libertés publiques et donc ce bulletin qui est fascinant là aussi de courage et de ténacité que fait la police pour documenter précisément ce dont on parlera dans la deuxième table ronde tout à l'heure sur les violences policières. Comme on va le voir aussi dans cette discussion, en fait, il y a plein de fils de continuité entre les moments sur lesquels Maurice a travaillé et dès lors aussi des constellations, des réseaux. Hein. En fait, Nicole, c'est quelque chose qui te tient à cœur, la question des réseaux, mais entre nous, finalement, qui circulent par rapport à Maurice. Par exemple, Maurice a co-signé avec Jean-Luc Enaudi un livre qui s'appelle « Les silences de la police », où il s'agissait précisément de faire les liens de continuité de cette police entre la police de Vichy et la police de Papon pendant la guerre d'indépendance algérienne. Et en fait, ce qui avait poussé Jean-Luc Enaudi et Maurice à écrire ce livre, c'est qu'ils avaient découvert un livre officiel de la préfecture de police de Paris, qui célébrait à l'époque son bicentenaire, et qui s'intitulait ainsi, alors ça vaut vraiment son pesant d'or, « La préfecture de police au service des Parisiens », sous-titre « Fidèle à ses traditions pour préparer l'avenir ». Alors ça fait peur, surtout aujourd'hui, hein, évidemment, quand on entend, comme vous avez peut-être eu l'occasion de le faire des policiers d'un commissariat rouennais hein, qui se disent explicitement fascistes, racialistes, qui disent qu'il faut casser en fait du bougnoul, de l'arabe, des juifs, des gauchistes, qu'il faut leur mettre une balle dans la tête systématiquement. Hein, ce sont des propos voilà, qui datent d'il y a quelques semaines. Et donc, on en mesure d'autant plus l'importance du travail réalisé. Et justement, dans ce livre officiel de la préfecture de police, qui était d'ailleurs destiné à être diffusé dans des entreprises, à propos de la rafle du Vel'd'Hiv le 16 juillet 1942, il est question du fait que la police a été sollicitée pour mener cette opération. C'est la seule chose qu'on apprendra, c'est que la police française a été sollicitée pour mener cette opération. Alors, je le disais à propos, et là on va pouvoir en discuter, hein, puisque l'objet c'est aussi voilà, de travailler sur son œuvre comme historien, à propos des historiennes et historiens, on va dire universitaires, professionnels, etc. Il y a eu des tensions, évidemment, et je pense que c'est lié à une double raison. D'abord, c'est compliqué, me semble-t-il, pour l'université d'accueillir en son sein quelqu'un qui a été aussi bien OS dans une usine d'outillage, qui a fait un peu tous les métiers avant de devenir véritablement historien, qui a été docker, entre autres. Et puis, il y a encore une fois cette question de l'engagement politique, le fait qu'il n'a jamais renié justement la nécessité de cet engagement et qu'il n'a jamais prétendu à la neutralité ou l'impartialité. Ce que un certain nombre d'historiens lui ont reproché en disant notamment que l'idée de retrouver notamment retrouver des policiers qui ont participé à la rafle, entre autres, c'était pas forcément le travail de l'historien. Et je pense que c'est un jugement particulièrement désinvolte, me semble-t-il, et indécent, en fait, quand on sait ce qu'a traversé la famille et des milliers de familles de cette façon. Et donc, c'est un peu la discussion qu'on pourrait avoir aussi entre nous, hein, de savoir si, finalement, il peut y avoir une prétention à la neutralité en histoire. Il me semble que un travail peut être mené comme il l'a fait, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sérieux, en voyant, encore une fois, une profusion incroyable de documents, mais en menant un travail qui n'a cessé d'être dans la volonté d'une dignité et d'une lutte qui est sans cesse contemporaine. Alors, on va pouvoir discuter de ça collectivement. Donc, je voulais vous dire quelques mots, mais il et elle se présenteront tout aussi bien eux-mêmes. D'abord de Daniel, qu'on remercie vraiment très chaleureusement d'être ici. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, il y a plein de liens, évidemment, entre ton travail et celui de Maurice. D'un côté, évidemment, ce qu'il a contribué justement à révéler et sur lequel tu as beaucoup travaillé, à savoir le massacre du 14 juillet 1953, donc tu vas pouvoir y revenir assez précisément, massacre au cours duquel six Algériens et un syndicaliste français ont trouvé la mort, et puis donc qui a donné lieu de ta part à un ouvrage qui s'appelle justement « Les balles du 14 juillet 1953 »,« Les balles ». Voilà, BA2LES, et justement, c'est un des enjeux, c'est que les fils des victimes, les enfants des victimes, ont dit beaucoup que finalement, les morts étaient morts deux fois, d'abord la première fois par les balles de la police française, et une deuxième fois par le silence, notamment, il faut bien le reconnaître, des organisations ouvrières, et en particulier du Parti communiste français, qui a très vite fait silence sur le massacre, et de ne rien voir dans l'UMA ou dans l'humanité. Dimanche, les 14 juillet, à ce sujet, c'était une manière de tuer une deuxième fois les morts. Et puis, il y a cet autre film. Alors, tu as fait beaucoup de films, tu as réalisé beaucoup de documentaires sur le harcèlement au travail, sur justement ces massacres le 17 octobre. Moins que Maurice, mais enfin, tu as encore pas mal de marge en termes de biographie. Sur justement le 17 octobre 1961, sur Charonne, sur la banlieue rouge, etc. Tu as écrit aussi un scénario justement avec Jean-Luc Enaudi sur les pouvoirs spéciaux. Et puis, ce très beau film qui s'intitule « Pas en mon nom » et où on retrouve justement, parmi d'autres, Maurice, à savoir un certain nombre de personnes qui s'expriment en tant que juifs et en tant qu'ils refusent et elles refusent les assignations à résidence identitaire ou communautaire et refusent de soutenir la politique israélienne d'oppression à l'égard du peuple palestinien. Donc merci beaucoup Daniel. Et puis je présente brièvement aussi Nicole, que je remercie tout aussi chaleureusement. Donc Nicole a enseigné longtemps à l'université de Picardie à Amiens. Elle est historienne, elle travaille beaucoup sur l'histoire des Séfarades. Elle s'intéresse en particulier, tu t'intéresses en particulier à la question justement de la conscience historique, hein, ce qu'on peut nommer l'historicité, le rapport au temps et ce en rapport avec l'espace, en rapport au réseau d'interconnexion. Tu as aussi écrit dans un ouvrage sur l'ouverture des camps d'extermination. Tu as publié un certain nombre d'articles et tu t'es beaucoup battue aussi, tu nous en parleras peut-être, parce que ce n'est pas sans lien avec l'engagement de Maurice et je pense que tu vas le faire aussi avec l'émotion qui nous étreint aujourd'hui. On en a déjà beaucoup parlé parce que justement sur un certain nombre d'engagements, vous vous êtes retrouvés et la dernière fois que tu as parlé à Maurice, c'était en janvier et vous avez eu donc cette longue discussion autour de l'actualité et du présent de cet engagement. Peut-être que Nicole, tu veux ouvrir la discussion ? J'ai juste complété ce que Ludivine. Voilà. Bon. Bah, écoutez, j'ai parlé avec Maurice il y a 6 mois et véritablement, ça a été un choc d'apprendre sa mort parce que j'avais retrouvé quelqu'un avec qui un dialogue s'était noué dans les années 1980, dès son premier livre. Et je l'ai retrouvé avec une voix assourdie, mais le même homme. Alors, pour ne pas être émue, je commencerai par un petit document qui était une invitation qu'il nous avait envoyée. Je l'ai retrouvée dans un livre sur la Palestine, mais ça va au-delà. 50 ans de militantisme, ça s'arrose. Maurice Rachfus invite ses amis à lever le coude en cette unique occasion. Donc c'était en septembre 1994, soirée ouverte à tous les antifascistes. Je pense que vous en êtes. Ancien des auberges de jeunesse, retraité du PSU, stalinien repenti, anarchiste, trotskiste, nostalgique de mai 68, ne pas s'abstenir. Bon, donc maintenant on m'avait confié une tâche plus historique et je voudrais juste dire, pour commencer, petit 1, que je ne suis pas spécialiste de ce premier moment des travaux de Maurice, même si je les ai accompagnés. Mon champ de recherche est légèrement différent, Ludivine l'a dit. Mais j'avais envisagé de l'être, parce que ma génération, en 1980, a commencé à interroger. Comment ça a été possible ? À interroger les parents. Et mon père, je l'ai interrogé en décembre 80, avant qu'il meure. Quelles étaient les responsabilités ? Et ça, c'est le produit de l'éclatement d'une histoire qui avait été construite après-guerre, qui présentait les Français comme globalement résistants. Donc le travail de Maurice s'insère dans ce mouvement et s'insère aussi dans un moment où on a commencé à parler des Juifs et pas simplement des déportés. En particulier, le livre de... il y a eu les livres de Paxton sur la France de Vichy et de Marus sur Marus et Paxton sur les Juifs. C'est aussi le moment où Annette Vevorka travaillait comme certains en 80 pour poser, comme Maurice lui-même, la responsabilité des communistes, enfin de ceux qui se disaient communistes et des organisations. Donc c'est dans ce cadre que moi je voulais faire ma thèse là-dessus. J'étais jeune prof, historienne, dans un collège de banlieue, exactement là où Théo s'est fait violer. Et je parlais à une collègue. Elle me dit, mais quelqu'un a écrit là-dessus. Et je pense que c'est elle qui m'a offert le premier exemplaire des Juifs dans la collaboration, que vous pouvez trouver au stand. Et puis... très vite, j'ai eu connaissance d'un article paru dans Le Monde, on est en 82, qui commençait à raconter le problème un article de Maurice. Hein. Je pense que c'est le 10 juillet 82, il commence à parler du rôle de cette organisation dans la déportation des enfants. Je voulais vous prendre une photo que j'ai dû oublier. La photo qu'on trouve dans ce livre de 20 fillettes de la maison d'enfants de l'UGIF où on avait mis des enfants de déportés. Ces enfants avaient été dispersés pour les sauver dans des familles. Et puis la Gestapo, on est un mois avant la libération, demande leur rapatriement. Et les dirigeants de l'UGIF obtempèrent. C'est le premier procès que Maurice Rachus fait à cette association. Alors qu'est-ce que l'Union des Juifs Israélites de France, fondée en 1941, qui fonctionne jusqu'en 1944, vous ne le savez peut-être pas tous, c'est une institution que Maurice nomme un Judenrat, c'est-à-dire une institution dirigée par des notables juifs. Il y avait quand même 500 personnes dans le personnel qui concernaient le Nord et le Sud, avec des fonctionnements un peu différents, et qui était informé d'un certain nombre de choses. En particulier, avant la grande rafle de juillet 1942, l'UGIF était informé et a fait préparer des milliers d'étiquettes pour que les enfants ne soient pas séparés des parents. Moi, comme j'avais commencé à travailler ce sujet, je m'étais intéressée à la Belgique. Parce qu'en Belgique, il y a une association sœur, sauf que les Belges n'ont pas porté la responsabilité de la déportation, c'est directement la Gestapo et les nazis. Et dans une ville qui s'appelle Charleroi, ville ouvrière, de tradition ouvrière, où il y avait beaucoup de militants qui s'étaient réfugiés, on s'est débrouillé pour que les noms ne soient pas donnés pour les rafles. On a fait des fausses listes. Dans la ville de mon grand-père en Grèce, puisque moi aussi je suis enfant d'émigré, dans la ville de mon grand-père à Volos, on a fait passer les gens, sauf ceux qui ne pouvaient pas bouger, dans les montagnes, avec la résistance. Donc le procès que fait Maurice, et je pense qu'il est justifié, c'est de dire qu'il n'y a eu aucun effort pour faire échapper à la déportation. Par contre, il y a un volet humanitaire. On a nourri des enfants, on a nourri des gens. Cela peut compter dans la vie, mais il n'y a pas eu de protection des populations. D'autre part, l'UGIF, enfin ses dirigeants, et ça c'est le deuxième procès que fait Maurice, ne souhaitait défendre seulement les Français et n'a pas réagi quand les Juifs étrangers ont été déportés. C'est ce qui amène au fil rouge du travail de Maurice, qui, vous l'avez vu dans le film, s'est beaucoup intéressé à la défense des travailleurs immigrés, comme on disait autrefois, et aux étrangers. On retrouve cela dans d'autres engagements, y compris en Palestine. Et moi, j'ai trouvé quelque chose en ouvrant ce livre des Juifs dans la collaboration. J'ai trouvé cette photo d'une maison d'enfants. Je parlais ce matin à quelqu'un qui avait été animé les vendredis soirs dans cette maison. Toujours vivant, il s'appelle René Benbassa, aucun rapport avec Esther, mais bon, qui d'ailleurs m'avait dit qu'il essaierait de venir. Il est très âgé, mais voilà. Parce que c'est une page de l'histoire qui n'est pas très connue. Alors j'ai regardé un peu plus. J'ai vu qu'il y a eu un jury d'honneur qui a blanchi l'UGIF. Il n'y a pas eu de comité d'épuration, comme pour la JB, juste un jury d'honneur. Maurice raconte très bien qu'un des fonctionnaires de l'UGIF, on lui avait demandé d'avance, avant qu'il puisse témoigner, de souscrire au résultat du jury d'honneur. C'est un certain monsieur Léon. Et ce ce jury d'honneur était présidé par quelqu'un que j'ai très bien connu dans les milieux séfarades d'Orient venant de Salonique, le docteur Modiano. Il y a des témoignages dans ce livre. Oui, alors vous m'entendez quand même ? Là, oui, autrement vous ne m'avez pas entendu du tout. Bon, je suis désolée. Hein. Bon, merci. Alors, il a été blanchi, le GIF a été blanchi. Et moi, j'ai vu des gens que j'ai connus qui ont participé à ça. Modiano était dans un comité qu'on appelle du boulevard du débouchage à Nancy, d'après Raïski, qui faisait quand même de l'aide et de la résistance. Ils ont fait appel à des gens qui ont servi d'interface. Dans quel contexte ? Volonté d'apaisement après-guerre. Épuration brève, mais protection de l'État français. Avant-guerre, c'est pareil. Les travaux de Marus le montrent. Les premières mesures qui sont prises contre les étrangers, c'était en fait la protection d'une position nationaliste, légaliste, qui s'installe dès 38, avant même Pétain. Donc, pour moi, l'importance de ces questions, c'est que la question politique centrale, qui est toujours la même autre maintenant, s'est trouvée posée pendant la guerre. Peut-être que Maurice a cru que ces questions étaient passées et qu'on pouvait les restreindre à certains champs de bataille. Mais je suis persuadée que nous sommes dans un moment qui rejoue les enjeux de la Seconde Guerre mondiale et où tous les travaux qui mettent les responsabilités en avant peuvent servir. Alors, je dirais peut-être deux mots sur la bataille d'Amiens après, peut-être. Hein, voilà. Merci. Oui. Alors, ben moi, je suis très heureux d'être là parce que je devais être aux obsèques et j'ai pas pu y aller parce que j'habite pas sur Paris. Et voilà, je suis très content d'être là pour un hommage à Maurice. Alors Maurice, je le connais moi aussi depuis les années 80. Je l'ai connu d'abord, je pense, à travers... alors je ne sais plus si j'ai commencé à le connaître à travers ses livres, notamment celui-là, là, Des Juifs dans la collaboration, et puis l'autre, Retour d'Israël, qui a été écrit en 84. Mais voilà, c'est autour de cette période-là et je l'ai surtout rencontré... dans plusieurs débats, parce qu'il représentait, je crois que c'était un des fondateurs de Ralph Front, peut-être même président, je ne sais plus. Mais enfin bon, c'était un dirigeant de Ralph Front. Et moi, j'étais à l'époque membre de la commission antisémitisme et néonazisme du MRAP. Et donc, on a fait des débats comme ça pour dénoncer dès l'époque l'extrême droite. Et qui commençait à monter sérieusement, n'est-ce pas ? Et puis, ça a été un combat de toujours, voilà. Alors, donc, je l'ai connu dans cette période-là. Et puis après, je le revoyais régulièrement, bon, en gros, à la fête de l'UMA, puisqu'il venait souvent pour montrer ses livres et les présenter. Et puis, en fait, je l'ai toujours un peu connu comme ça, à travers des manifestations. Je le revoyais assez souvent... Il était toujours là, toujours combatif. Et puis, je l'ai surtout connu parce que, comme tu l'as dit, j'ai fait deux films où il est dedans. Il est, voilà, parce que le premier sur le massacre du 14 juillet 1953, c'est le premier à avoir écrit un livre entièrement consacré à ce massacre. Et du coup, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à cette question, j'ai très rapidement vu qu'il avait écrit un livre. Je l'avais pas, hein, quand j'ai commencé à vouloir faire le film sur sur cette histoire. Je l'avais pas, etc. Finalement, je l'ai réussi à l'avoir, mais voilà, c'était un peu le hasard et je l'ai rencontré pour ça. Et puis ensuite, j'ai fait un autre film, donc l'année dernière, Pas en mon nom. Et là aussi, donc je l'ai interviewé par rapport à la question, être juif ou pas, puisque voilà, cette question un peu identitaire, et puis surtout la question, son engagement par rapport à par rapport à la Palestine ou par rapport à ce conflit, voilà. Donc en gros, c'est un peu ce cheminement. Et donc en venant en train, j'ai relevé un peu toutes les phrases, tous les mots qu'il a employés pour donc voilà, qui m'a offert finalement à travers ces deux interviews. Et donc, je ne sais pas, je peux en livrer quelques-unes. Ça dépend comment on organise les choses. Et voilà. Donc, et à travers ces... Enfin, il faut dire qu'il avait un certain humour, hein, Maurice. Hein, c'est un peu ce que tu disais dans le mot, là. Et régulièrement, je sais que... Par exemple, il m'a dit que, puisqu'on va rentrer dans le côté, il m'a raconté qu'en 1935, il a été avec sa mère et sa sœur, il a été en Pologne voir sa grand-mère qui habitait à 40 km de Varsovie. Et puis il me dit, mon souvenir, c'est les premières conneries que j'ai faites là-bas. Il est rentré dans une synagogue. Alors il dit, je suis rentré dans une synagogue sans mon béret. En fait, il voulait parler de la kippa, mais il m'a dit béret, voilà. Après, il m'a dit, après, avec un couteau, j'ai coupé du fromage, mais c'était un couteau à viande et c'était absolument interdit selon les pratiques, etc., etc. Donc, il s'est fait des amis tout de suite. Et puis, il m'a raconté quand même que dans sa famille, ils n'étaient pas du tout croyants, qu'ils mangeaient du porc, etc., régulièrement. Et puis, qu'une fois... Pendant qu'ils étaient en train de manger un rôti de porc, mais il y avait la sœur de sa mère qui est arrivée, et elle était assez pieuse, etc. Et elle s'est mise à table, et ils ont dit, non, c'est pas du porc, c'est du rôti de veau. Et donc, elle a mangé du rôti. Donc, il était très content de raconter ça. Non, je dis ça, c'est pour montrer quand même que... il avait cet humour un peu, toujours avec un petit sourire. Et je pense que c'est important aussi quand on s'engage aussi. Je pense que ce côté vivant d'humour, je crois que c'est un truc assez intéressant quoi, à avoir en tête au lieu d'être trop raide, etc. Il n'était pas du tout comme ça. Et cela dit, il m'a raconté que sa première conscience d'être donc d'origine juive, c'est parce qu'il jouait aux billes sous la table et au-dessus, il parlait des massacres, des pogroms en Pologne, en Russie, etc. Hein, ouais, voilà. Et donc, c'est des choses comme ça qu'il raconte assez naturellement. Pour lui, voilà, il raconte aussi qu'il rentrait à la maison... On parlait yiddish et lui, il répondait en français. Voilà. Et il raconte, quand je l'ai interviewé, il disait, mais c'est comme, d'une manière générale, les beurs aujourd'hui qui manient le français, mais à la maison, souvent, pas tout le temps, mais souvent, on parle arabe ou kabyle, suivant les... Et voilà. Et il disait que ça posait aucun problème pour lui. C'est-à-dire que c'était vraiment pas du tout un problème. Et alors, il avait rajouté un truc qui était très drôle, c'est qu'il dit, en fait, moi, je suis un vrai Français de France, grâce au décret sur le droit du sol qui date de 1927. Donc Maurice, il est né en 1928, et donc il était très content de raconter ça, qu'il était un vrai Français parce qu'il avait été à l'école républicaine, il croyait à la France, à l'Empire, à la France coloniale, etc. Il raconte tout ça, etc. Avant évidemment de changer de point de vue, voilà. Et puis il était très content de aussi, comme il est né à Aubervilliers, il était très content d'être né dans la rue Dieu. Voilà, c'était pour... Il disait ça avec évidemment un sourire, comme je l'ai toujours connu. Il n'a pas rencontré, il m'a dit, l'antisémitisme avant 1942. au moment où tous les Juifs devaient porter l'étoile jaune. Donc il a commencé, donc il a porté l'étoile jaune à 14 ans. Et il m'a raconté cette anecdote que il essayait de cacher un peu l'étoile, etc. Il est rentré dans la cour du lycée et il y a un mec des jeunesses pétainistes qui dit, qui lui est passé derrière, il dit « Ah, je le savais !» Voilà, enfin, voilà. Et puis il raconte aussi comment l'atmosphère des gens, quand ils portaient l'étoile, lui, il avait envie de ramper par terre. Et puis l'atmosphère lourde des gens qui n'osent pas regarder, une espèce de honte. Et puis il raconte qu'à un moment, il courait, il était en retard, il rentre dans le métro, puisqu'il a continué à habiter à Vincennes, il rentre dans le métro et les Juifs devaient aller uniquement dans le wagon de queue. Et il y a un monsieur très respectable qui dit non, il faut aller là-bas, il faut aller dans le wagon de queue, etc. Et c'est genre de discrimination qu'il supportait pas. Et je crois que ça a forgé son caractère par la suite, quoi. Alors, par rapport à cette question, il a été arrêté avec toute sa famille. Il raconte qu'il a eu de la chance, qu'à un moment, ils ont dit que les enfants pouvaient ressortir. Il raconte qu'il est ressorti juste lui avec sa sœur, alors qu'il y avait 120 personnes et plusieurs enfants, et qu'ils sont tous partis, et évidemment, personne n'est revenu. Ah. Il m'a raconté aussi par rapport à cette rafle, puisque du Veldiv, que les dénonciations des concierges, qui étaient des auxiliaires de la police parisienne, en tous les cas, il avait encore une dent réelle contre, d'une manière globale, généralisée peut-être un peu, mais je pense que pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles ont joué un bon rôle, puisque j'ai appris plus tard que ma propre mère, la famille de ma mère a été aussi dénoncée à Troyes par la concierge. Voilà, je l'ai appris un peu par hasard après. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire aussi pour terminer sur juste cette présentation par rapport à la Deuxième Guerre mondiale ? Il m'a raconté que dans mon judaïsme, qu'est-ce qu'il me reste ? Des souvenirs, les persécutions, et puis la mémoire de ses parents, évidemment, la musique et la cuisine. Et puis, parce que, en fait, il faisait beaucoup de cuisine. Il disait qu'il était toujours dans les jupes de sa mère et qu'il a appris à faire la carpe farcie, toutes les spécialités, y compris des pâtisseries, etc. Et c'était quelque chose d'assez étonnant de le voir raconter ça. C'est dommage, j'ai pas filmé en train de faire à la carpe farcie, mais j'aurais bien aimé. Voilà. Et en fait, pour lui, par rapport à sa question de la judéité, il dit en fait, si je parle de mon origine juive, c'est uniquement parce qu'il ne faut pas qu'il arrive la même chose à d'autres que ce qui arrivait à moi. Voilà. Et c'est uniquement dans ce sens-là qu'il parlait de sa judéité. Voilà, pour ce petit intro. Merci. Alors avant d'évoquer la guerre d'indépendance algérienne, c'est vrai qu'on peut, conclure sur ce premier point, sur le fait qu'il y avait un courage quand même extraordinaire de publier ce premier livre sur des Juifs dans la collaboration. Ça lui a valu bien des attaques, hein, comme tu l'as rappelé, en fait, Nicole, sur cette organisation qui avait été vraiment l'Union Générale des Israélites de France, qui avait été vraiment un produit et de Vichy et des nazis, hein, et des occupants. Ce qu'explique bien Maurice et ce que décrit aussi Pierre Vidal-Naquet dans la préface qu'il lui consacre, qu'en fait, c'est un piège qui s'est refermé, évidemment, sur les victimes, des souricières, véritablement, hein, les maisons d'enfants qui se sont transformées en souricières, à un moment où, justement, y compris les organisations proches du Parti communiste lançaient des tracts, hein, ça s'est bien écrit aussi des tracts à la fois en français et en yiddish pour dire que les rafles étaient imminentes, etc. Et l'UJIF disait mais non, c'est de la propagande anticommuniste, etc. Et donc là, il y avait un courage exceptionnel. Et c'est vrai que il y a une partie du milieu historien qui n'a pas pardonné à Maurice ce premier travail. Et en même temps, il a été salué justement par le biais de ses éditions. Michel Dreyfus, qui s'occupait à l'époque, donc les éditions s'appellent EDI, hein, les études et documents internationale. C'est donc le livre est sorti en 1980 et en 1981, il y a eu un attentat contre la maison d'édition Et évidemment, en fait, la police n'a jamais tiré au clair les responsabilités dans cette affaire. Mais bon, c'est un livre qui a vraiment marqué, qui a été un livre un peu explosif à l'époque, surtout dans la lignée de ce que tu soulignais sur ce qu'on a appelé un peu dans l'historiographie le tournant Paxton, c'est-à-dire l'historien états-unien Robert Paxton, qui avait montré que voilà, il y avait une responsabilité directe des autorités françaises dans la complicité et l'extermination des Juifs d'Europe. Et puis, moi, je voulais aussi quand même dire quelques mots vraiment rapidement sur les livres de Maurice consacrés à la rafle, qu'il s'agisse de Jeudi noir, qui est sous-titré L'honneur perdu de la France profonde. Donc, ça fait vraiment écho à ce que tu soulignais, Daniel, à l'instant, sur voilà, la délation, hein, quand Maurice souligne bien à quel point, finalement, à l'horreur de la déportation vient s'ajouter l'horreur de la délation. Il y a un excellent travail aussi qu'il a réalisé, la rafle de Duvel d'Hiv, dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France. C'est vraiment un livre très très fort, bon, comme on sait, très synthétique mais extrêmement dense, qui notamment donne la parole aux rescapés. Et j'ai le souvenir comme ça d'une femme qui, à l'époque, était une petite fille, Annette Muller, qui explique que toute... Enfin, bon, il y avait une brutalité, évidemment, sans nom dans la manière même d'arrêter les personnes au cours de la rafle, avec des menaces de mort et tout ça devant les enfants. Mais voilà, cette petite fille, elle s'accrochait à sa poupée, comme on peut le faire quand on est enfant, quand il s'agit de se raccrocher à quelque chose, et on arrachait sa poupée. Les policiers lui ont pris la chose à laquelle elle pouvait encore, comme enfant, se raccrocher. Et elle dit aussi, elle se souvient avoir vu, parce que la police rajoutait des noms dans les listes dont elle disposait déjà, malgré les suppliques, malgré les supplications qui étaient adressées par les parents, notamment quand il s'agissait d'ajouter des enfants. Et donc elle se souvient de sa mère qui s'est jetée en fait aux pieds des policiers venus les arrêter pour qu'elles épargnent leur enfant. Et évidemment, et cette petite fille à l'époque a ressenti même de la honte. Voilà, c'est une manière de rajouter encore de la violence à la violence. Et tout ça est vraiment extrêmement bien décrit dans les livres de Maurice, et notamment aussi celui qui s'intitule la police de Vichy, qui lui a valu là aussi des attaques d'un certain nombre d'historiens, parce qu'il disait d'emblée dans le sous-titre que c'était les forces de l'ordre françaises au service de la Gestapo. Et ça, ce haut service de la Gestapo, voilà, ça avait du mal à passer dans le milieu historien, alors qu'il y a une démonstration implacable du fait qu'il y avait d'un côté une relative autonomie de la police française, qui a du coup porté une vraie responsabilité, et en même temps des tractations incessantes avec les autorités nazies. Alors justement, dans Les silences de la police, Maurice, avec Jean-Luc Hénaudy, justement, retrace ce fil finalement conducteur entre cette police. De Gaulle avait dit au lendemain de la libération, il avait dit aux forces de l'ordre, voilà, vous allez redevenir la police de la France. Voilà, donc en fait, du jour au lendemain, la police de Vichy redevenait... officiellement une police républicaine, et tout le travail de Maurice a consisté à faire la démonstration qu'il y avait justement des fils de continuité, et pas seulement au travers de responsables comme Maurice Papon, dont on se rappelle moins bien, mais on le sait grâce à lui, qu'il a, avant sa responsabilité comme préfet de police dans les massacres d'État de 1961 et 1962, occupé une mission à Constantine, donc en Algérie, pour en quelque sorte recycler le savoir-faire mortifère et mortel qu'il avait engrangé sous le régime de Vichy. Donc c'est l'occasion de revenir sur ce livre important. Et le tien et celui de Maurice, donc tu le disais, hein, il a été pionnier quand il a publié 14 juillet 1953 un 14 juillet sanglant. Et donc voilà, pour le rappeler en quelques mots, mais tu vas en parler, Daniel, évidemment plus longuement. Le 14 juillet 1953, la CGT, le Parti communiste, organise une manifestation ouvrière et populaire. Il y a un cortège de milliers d'Algériennes et Algériens qui arrive sur la place de la Nation avec des mots d'ordre pour libérer Mess Ali Hadj, pour l'indépendance de l'Algérie, contre la répression coloniale. Et en fait, les forces de l'ordre attaquent le cortège des Algériens, déchirent les banderoles, les pancartes, commencent à matraquer. Les Algériens se défendent. Les manifestants sont vraiment dans l'autodéfense. Comme le disait d'ailleurs Maurice à propos des Juifs arrêtés pendant la rafle, c'était pas des moutons. Voilà, ils se sont pas laissés faire. Et les Algériens, c'est aussi la même chose dans le cas de la manifestation. Et dès lors, la police commence à tirer et à tirer à bout portant. Et donc, ça donne lieu à ce massacre qu'on peut bien appeler un massacre d'État. Massacre d'État, voilà, c'est une formule qui a désormais cours en histoire pour désigner un certain nombre de ces fusillades. Mais c'est vrai que celui-là est assez méconnu, assez oublié. Et grâce à Maurice et grâce à toi, Daniel, on a vraiment une documentation exceptionnelle pour analyser ce massacre. Comment dire, moi, voilà, j'expliquais, voilà, c'est le premier à avoir écrit. Bon, il y avait déjà eu des historiens qui avaient écrit des chapitres sur cette histoire, notamment Daniel Tartakovsky et puis Emmanuel Blanchard. Mais c'était juste des chapitres, etc. Alors que lui, il a écrit carrément un livre consacré là-dessus. Alors, je vais vous raconter un peu. Donc, moi, ça m'a intéressé, évidemment, comme je faisais un film. Ce qui m'a intéressé, c'est d'aller le voir et puis de savoir un petit peu comment il l'avait appris, et puis surtout comment il avait fait pour arriver à écrire ce livre, etc. Alors, je vais vous raconter un petit peu assez rapidement. Donc, c'est bien résumé par rapport à l'événement. Moi, j'ai surtout été beaucoup plus loin parce que j'ai surtout, notamment, été en Algérie et j'ai rencontré les familles des victimes. Et puis, j'ai pu travailler plus longuement dans les recherches documentaires. Voilà. Et donc, je suis arrivé d'ailleurs à établir une liste de 48 blessés par balle, en plus des 7 morts. Hein. Voilà, c'était pour... c'est 48 à 50 parce qu'il y a deux noms qui ont été à mentionner, mais j'ai pas retrouvé la trace. Mais en tout cas, j'ai retrouvé 48 noms avec blessés à la jambe, à la tête, au genou, etc. Donc moi, j'ai complété finalement le travail de Maurice, voilà, qui était le précurseur de cette histoire. Et donc, il raconte qu'il avait été sollicité par Hervé Delouche, qui était éditeur chez Agnès Vienno, en octobre 2002, parce qu'il n'y avait absolument aucun livre par rapport à cette histoire, cette répression. Et alors, il raconte qu'il va y avoir les 50 ans en 2003, donc l'anniversaire, et donc ça serait bien de sortir le livre à ce moment-là, etc. Et puis, il raconte qu'il avait été contacté parce que c'était quelqu'un qui avait fait toutes les manifestations anticolonialistes, qui avait dénoncé le massacre du 8 mai 45. En 1955, il raconte qu'il avait contribué à un comité contre le départ du contingent en Algérie, enfin bon, qui s'était vraiment engagé. Et il raconte surtout que, c'est ça son humour, si on peut appeler, il disait, moi j'étais un rat de bibliothèque, et il raconte qu'il a travaillé pendant 3 mois à 10 heures par jour. Voilà. Et donc à fond pour essayer de trouver le maximum d'informations. Alors il raconte qu'il a commencé par un appel à témoins qui est passé dans l'Humanité et qu'il a reçu une douzaine de réponses, dont celle de Guy Lureau, qui est le fils de la victime française, Maurice Lureau, qui lui a adressé notamment les courriers de sa mère qui avait essayé de porter plainte et d'essayer d'avoir des réparations par rapport à la mort de son mari. Et il y avait une liste de courriers qui allait de 1953 à 1974. Donc voilà, pour elle essayait de trouver des solutions. Et puis jusqu'à ce moment-là, on lui disait non, ben on, ça va être compliqué, ça va être difficile. Enfin, on l'a fait attendre comme ça et espérer, et elle est morte évidemment sans absolument aucune justice, la moindre réparation. Il y a aussi le témoignage de Jean-Michel Krivine qui à l'époque est médecin, enfin, et qui à l'époque était membre du PCF, et puis il a travaillé aux archives de la BDIC à Nanterre pour voir tous les journaux de l'époque, et puis les journaux des syndicats locaux et aussi le journal officiel de l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait des débats à l'Assemblée nationale à la suite de cette manifestation, à la suite de ce massacre. Il y a eu des débats à l'Assemblée nationale le 16 juillet 1953. Et c'est ça qui l'a le plus choqué, c'est ce qu'il m'a raconté. Il dit, mais c'est horrible de voir ces débats-là, c'est des députés. Il explique qu'on est 8 années juste après la Deuxième Guerre mondiale, et il y a des députés, il y a encore dans le gouvernement des gens issus de la résistance, et il dit, il y a des députés ignobles, qui racontent des trucs par rapport aux Algériens dignes comme, foutez-les dehors, c'est insupportable, il faut les renvoyer, etc. Et du coup, la manière dont il racontait ça, il était franchement écœuré et il disait, là, il y a quelque chose au niveau que des simples personnes qui sont pas qui sont d'un autre pays, qui n'ont pas forcément la même couleur de peau, etc., qui demandent simplement l'égalité, parce que au départ, il y avait dans le mouvement nationaliste algérien, ils étaient divisés, il y en avait qui étaient pour l'indépendance, d'autres qui étaient plutôt pour des autonomies, etc. Le drapeau algérien était sorti dans la manifestation, mais c'était pas ouvert d'une manière très tranchée comme ça l'est venu après en 1954, quand le FLN a été créé et a lancé la guerre d'Algérie ou la révolution nationale algérienne, suivant de quel côté on se place. Et donc, il disait que c'était ignoble. Alors bon, je pourrais regarder son livre éventuellement ou des chapitres. Oui, et puis il témoigne dans mon DVD, évidemment, là-dessus. Et il était très content d'avoir justement aussi une postface de Jean-Luc Hénaudy, auteur de notamment La bataille de Paris, le livre qui dénonce les agissements de la police parisienne le 17 octobre 1961. Alors, à la suite de son livre, il dit qu'il y a eu un rassemblement à la place de la Nation pour commémorer donc les 50 ans. Et il disait qu'il y avait à peu près 50 personnes, pas plus. Je pense qu'il exagérait même. Il y avait plutôt une trentaine de personnes. J'ai vu les photos. C'était plutôt 30, 40. Et il raconte qu'il y avait surtout Pierre Marcel de Libération. Il y avait son ami qui est disparu depuis peu, Catherine Gruppert. Pour ceux qui l'ont connu, ils étaient souvent ensemble. Patrick de la librairie de Le Point du Jour. Et puis Janina Messali-Hadj. La fille de Messali Hadj, qui était là aussi. Et il disait aussi, il n'y a pas eu un seul journaliste, aucune information sur son rassemblement. Et ensuite, le livre, pareil, il s'est très, très mal vendu, parce qu'il n'y a jamais rien eu dans la presse, à part dans la presse d'extrême gauche. Et depuis, il est complètement épuisé, donc quasiment introuvable. Et il pense qu'il a été mis au pilon très peu de temps après. Voilà par rapport à son témoignage. Et moi ça me... Enfin bon, je suis touché de savoir que c'est lui qui a ouvert les yeux pour la première fois sur ce massacre. Enfin, d'une manière concrète, en reprenant les articles des journaux, en faisant ses commentaires, etc. Et on lui doit beaucoup. Voilà. Moi, je suis très intéressée par cette question. Quand je rencontrais Maurice, il me parlait un peu de ça, mais je n'ai pas tellement d'informations là-dessus. Mon cheminement est un peu différent, mais on va peut-être y venir. Je pourrais peut-être... On va parler de la Palestine un petit peu. Bon, alors, en partant de la Palestine, je vais reparler des Arabes, mais des Arabes d'Orient, et le combat qui a été mené et de clarification sur ces questions. J'y reviendrai. Non, mais ce qui est fort aussi dans le livre, donc un 14 juillet sanglant, c'est que Maurice explique qu'il a écrit pour comprendre aujourd'hui ce que représente une police dans un État aux dérives autoritaires, en fait. Et donc ça fait vraiment tellement écho à la situation actuelle, hein, sans chercher à toute force à comparer, à plaquer le passé sur le présent, etc. Mais c'était vraiment aussi ce qui l'obsédait, me semble-t-il, hein, c'était de parler au présent. Et d'ailleurs... en pointant du doigt les responsabilités directes de la police française. Alors, il faut se rappeler quand même, pour ce qui concerne le 17 octobre 1961, dont il a aussi beaucoup parlé, sur massacre sur lequel il a beaucoup écrit, comme vous le savez, plusieurs centaines d'Algériennes et Algériens qui ont été massacrés d'une manière ou d'une autre sur les grands boulevards parisiens pendant que les badauds continuaient à faire la queue devant les cinémas ou prendre des verres à la terrasse des cafés. Il disait, en fait, pendant la rafle du Veldiv, les flics ont livré les juifs aux Allemands, aux nazis, en 1961. Comme en 1953, ils ont été les assassins directs, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui l'a conduit à écrire ce livre qu'ont publié les éditions Libertalia, qu'on salue ici, et qui sont en très grande partie, avec Marc, les organisatrices et organisateurs de cette journée. Je n'aime pas la police de mon pays. Voilà. Je n'aime pas la police de mon pays. Quelques mots d'ailleurs sur le moment 68, puisque comme je le rappelais vraiment rapidement tout à l'heure, Maurice a participé à ce qui est d'abord et avant tout une grève générale, grève générale comme on n'en a jamais connue dans ce pays, avec 10 millions de personnes qui arrêtent le travail et qui occupent leur lieu de travail justement. Mais ce qu'il a choisi ensuite comme historien de ce mouvement de mettre en évidence, c'est justement la répression, quoi. Et donc son livre à ce sujet ne s'appelle pas « Sous les pavés la plage », mais « Sous les pavés la répression ». Et pour avoir pas mal travaillé justement dans ses pas, en quelque sorte, dans son sillage sur les archives de la préfecture de police de Paris, il me semble qu'il avait vraiment raison de souligner la responsabilité très grande de cette police, qui en général est assez effacée en fait, dans les mémoires, y compris là, ces dernières années. On a vu beaucoup un certain nombre de personnes proches qui pouvaient brandir la lettre de Maurice Grimaud fin 68 pour dire, mais voyez, là, par rapport à ce à quoi on a affaire avec la police actuelle, Maurice Grimaud, c'est un humaniste, etc. Alors évidemment, Papon et Grimaud n'ont rien à voir, l'un succède à l'autre, mais ce qu'on voit très bien dans les archives de la préfecture de police au jour le jour et presque heure par heure en mai 1968 et en juin aussi, il y a des morts, évidemment, beaucoup plus qu'on ne le croit, mais c'est tout simplement que Maurice Grimaud, dans un premier temps, encourage ces hommes, il les récompense, il donne des primes, il donne des médailles, etc. Il valide absolument leur action, qui est une action vraiment de répression, dont on s'étonne justement qu'elle n'ait pas fait davantage de victimes au sens mortel du terme. Il y a eu des blessés et des blessés graves. Et ça, Maurice a été aussi un des premiers à le rappeler, en faisant ensuite le lien avec ce qui s'est passé dans ce qu'on a appelé justement les années 68. Tu veux en dire un mot, Daniel ? Non, je voulais juste si, mais enfin, il y a plein de choses à dire. Sinon, après, la salle a besoin de parler aussi. Voilà, il faut que ça soit un échange. Je voulais juste ajouter par rapport, dans mon film sur les balles du 14 juillet, moi, j'ai fait comme Maurice. Hein, j'ai été voir des policiers. J'ai voulu savoir leur point de vue et c'est glaçant parce que ils ont fait leur boulot. Ils ont tiré dans le tas. C'est bon. Il y en a un qui rigole. C'est assez terrible. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça donne une image de ce qu'est la police. En tous les cas, ce qu'était la police à l'époque. Je ne veux pas rentrer dans le détail aujourd'hui. On verra ça ce soir, tout à l'heure. Mais en tous les cas, là, ça donne un direct, 50 ans. Enfin, à l'époque, c'était même 60 ans après. Ils ont fait leur boulot, ils ont tiré. Il y en a un qui raconte, mais tranquillement, il dit, non, mais il y a le premier rang qui tombait, puis il y a le deuxième, le ruisseau était rouge, et puis il se marre. Voilà, enfin, il a fait son boulot, voilà. Et donc, la police, à ce moment-là, ouvertement, a tiré, parce que dans leur tête de ces policiers, c'était que des gens considérés comme des sous-hommes osent se révolter, c'est insupportable pour eux, et donc c'est normal de tirer dans le tas. Je dis ça, c'est parce que ça s'est reproduit le 17 octobre 61, où ils ont tiré tranquillement, alors qu'à Charonne, il y a eu des morts, une répression, mais c'est pas par balle. Hein, c'est un mort est un mort, et c'est horrible, un mort, voilà, c'est horrible, etc. Mais c'est intéressant de voir que là, ils n'ont pas vraiment, à Sharon, ils ont matraqué, ils ont balancé, il y en a qui ont été, six qui ont été étouffés dans le métro, là, dans les marges du métro, il y en a trois qui ont eu le crâne éclaté, mais ils n'ont pas sorti les armes. Alors que le 14 juillet 53, tranquillement, enfin, faut vous imaginer quand même, presque 50 blessés par balle, en tout ça en un quart d'heure, hein. Un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est comme au ball-trap, hein. On tire dans le tas et on s'en fout, c'est pas important. Et c'est ce que disait Emmanuel Blanchard, il disait que finalement les policiers parisiens se sont comportés comme les policiers dans les colonies. C'est-à-dire que quelque part, cette vision des gens venus d'ailleurs, ce sont, bah, c'est pas important, ce qu'ils deviennent, c'est pas important, etc. Et on peut tirer dans le tas. Voilà, voilà ce que je voulais dire. 68. Bah écoutez, au départ, Marc, qui m'a proposé de parler, m'avait dit qu'on parlerait, excusez-moi, je suis assez émue finalement, hein, de la relation avec Maurice. Et moi, Maurice, il m'a ouvert quelque chose. Il m'a ouvert la participation à la première intifada. Il m'a ouvert la participation à la première intifada. Comment ? J'ai été informée, je ne me rappelle plus exactement par qui, de la tenue d'une réunion qu'il tenait où il parlait en compagnie du représentant de l'OLP en France, Anouar Abouéché, auteur de Mémoire palestinienne, La terre dans la tête. Et à partir de là, j'ai eu des liens sur place. Et donc, une expérience, des manifestations en soutien à la résistance palestinienne. Et je m'étonnais un peu tout à l'heure dans le film, en l'écoutant dire le mot haine. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était des gens qui risquaient leur vie. En tout cas, il y a une Italienne députée qui a perdu un œil, juive, enfin, dans des manifestations qui avaient lieu en Israël pour la paix. Et je n'ai pas vu la haine. Maintenant, ça serait différent. Les années de la 87, c'était différent. Et je me suis servi de ça. Quand j'ai été moi-même mise en cause dans ma fac, où j'ai monté des études juives et une licence d'hébreu, où j'ai été interdite d'enseigner, où un procès a commencé, j'avais contacté d'ailleurs l'avocat de Vidal-Naquet, et Vidal-Naquet lui-même, ça c'était l'extrême droite, c'était des gens qui se disaient, qui signaient, nous, les révisionnistes. Mais j'ai eu tout de suite le lien avec mes collègues d'arabes. Et ce lien s'est maintenu jusqu'à présent. J'ai un collègue qui est maintenant en Arabie Saoudite et nous correspondons. Une autre collègue qui m'a invitée au mariage de son frère à Beyrouth. Et comment j'ai pu le faire ? Comment j'ai pu établir ces liens ? En pouvant témoigner directement de quel côté je me trouvais. Et dans la vieille ville, les gens me connaissaient un peu et ils savaient de quel côté j'étais. Donc ça m'amène à essayer de réfléchir avec vous peut-être contre, tu as employé ce mot, mais un autre mot peut-être, d'assignation identitaire. Les Juifs, les Arabes, les Noirs, etc. Nous sommes dans une période où on nous impose de nouveau des assignations. Et à l'époque, je ne comprenais pas les livres de Maurice quand j'étais juif. Je lui ai dit d'ailleurs, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux quand on vous assigne quelque chose et qu'on le refuse. Mais malgré tout, on vit chacun dans des milieux, on a des rencontres, tu m'as parlé le mot de réseau, et ce n'est pas une question de foi, d'appartenir à un groupe social, enfin d'appartenir, je hais ce mot, mais d'être en relation avec un groupe social, parce que c'est l'histoire humaine. Seulement, il ne faut pas opposer les groupes entre eux. Voilà. Donc, sur ce plan fondamental, moi je travaille sur la spécialité, je pense aussi que les expériences que Maurice m'a permis de mener ont compté beaucoup. Et dernier mot, je sais que Ludivine y avait été sensible. L'an dernier, on a mené la bataille pour le rétablissement de l'arabe. Et dans mon université, on a gagné. Alors, je vais essayer d'aller vite parce qu'il faut qu'on débatte, à mon avis. Alors, moi, par rapport donc à l'autre film, le deuxième film, Pour mon nom, évidemment, j'ai abordé la question, puisque c'était la thématique de ce film, par rapport à Israël-Palestine, comment son point de vue. Voilà. Alors déjà, en rigolant, il m'a dit, Maurice, toujours un peu son humour, il a dit, Maurice, mon père était un juif palestinien. J'ai dit, ah bon, je croyais qu'il était juif polonais. Mais bon, il me dit ça. Il me dit oui, en fait, il faisait partie en Pologne d'un mouvement sioniste socialiste avec cette idée. Alors, il souriait toujours en disant cette idée, les Juifs vont créer là-bas un prolétariat, ils feront le socialisme ensuite. Voilà. Et donc, son père est parti en 1912. À l'époque, il a été plutôt expulsé après parce que c'était le conflit entre les Britanniques et l'Empire ottoman à partir de la Première Guerre mondiale. Donc, il a été expulsé en 1914, et il a essayé d'y retourner là-bas en 21, mais on ne l'a pas laissé descendre. Il est reparti à Trieste, puis finalement, il a atterri à Paris, et c'est comme ça que Maurice est né à Paris, un bon Français, comme il disait. En 48, ça c'est dans mon film, en 48, il dit qu'à la création de l'État d'Israël, il a été sollicité pour défendre l'État d'Israël, et il a dit, mais non, pas du tout, hein, moi, mon pays c'est ici, je suis ici, et pas de là-bas. Et puis, quand je lui dis, mais c'était très clair, cette position, il me dit, oui, parce que j'ai fait partie du PCF de la Libération, puis après de la 4e Internationale, et j'avais une vision internationaliste. Alors, je ne voyais pas pourquoi de créer un autre pays qui allait foutre la merde là-bas. Et puis, il dit, et puis c'est ce qui est arrivé. Voilà, c'est un peu comme ça. Et alors, il parle après de son livre, Retour d'Israël. Je l'ai interviewé aussi parce que Retour d'Israël, ce livre, je l'ai lu et j'ai retrouvé. J'ai été en Israël une seule fois et j'ai retrouvé exactement ce qu'il avait écrit dans son livre. C'est-à-dire que c'était comme si j'avais été avec lui. C'est les mêmes sentiments. Voilà, exactement. Un pays militarisé, une société brutale avec des groupes ethniques finalement qui se détestent, les gens d'Europe centrale d'un côté, ceux du Moyen-Orient, il y a peu de mariage entre eux, enfin à l'époque en tous les cas, les Russes d'un autre côté, une brutalité dans les rapports, les gens se battent pour monter dans les bus, etc. Il a parlé de tous ces trucs-là qui le détestaient, plus son rapport, évidemment, par rapport à la haine, par rapport aux Palestiniens, ce que j'ai évidemment remarqué au plus haut point, comment c'était ignoble, avec des réactions dignes des fachos en France, et voire des nazis, au niveau de la conception, voilà, au niveau du rapport avec l'autre. Il a fait ce livre où il a fait figure de traître, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit et pourtant je suis pas plus pro-palestinien que j'ai été pro-algérien pendant la guerre d'Algérie, parce que moi je suis pour que chaque peuple doit disposer d'eux-mêmes, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand il y a un peuple qui lutte pour sa libération, il le soutient d'une manière générale. Voilà. Il a écrit aussi L'ennemi de l'intérieur. Hein, il m'a raconté une conversation avec des opposants israéliens et une enquête sur le camp de Jordanie, retour de Jordanie, en novembre 1987 sur les réfugiés palestiniens en Jordanie qui étaient très très très mal vus de leurs amis entre guillemets jordaniens. Voilà. Lors du tournage, je lui ai montré un extrait de Lina sur la guerre des six jours et il y a le journaliste qui c'est une scène voilà assez intéressante pour montrer comment il était. Et il y a le journaliste qui parle d'un côté, les Arabes disent agression caractérisée, et il dit les Israéliens parlent de riposte préventive. Et au mot de riposte préventive, il y a le sourire de Maurice qui revient et dit « Ah, c'est pas mal ça, comme mot riposte préventive, on peut agresser, etc. Préventivement, voilà. » Et donc, c'est, voilà, il était toujours comme ça, et il dit « Moi, je ne parle jamais de la guerre des six jours, je parle de la guerre de 67, parce que sinon, quand on parle de la guerre des six jours, c'est pour dire qu'on est tellement fort qu'on les a écrasés en six jours, etc. etc. » Et puis, il raconte qu'évidemment, on a le sentiment qu'Israël est toujours en péril et qu'ils ont bien le droit de se défendre, même si c'est toujours des chars contre des pierres. Il dit c'est insupportable. Dès le jardin d'enfants, on enseigne que les Palestiniens sont dangereux parce qu'ils sont prêts à reprendre ce que les nazis nous ont fait. Voilà, nous, entre guillemets, voilà, c'est ce qu'il dit. Et il dit les Israéliens, en général, considèrent les Palestiniens comme des sous-hommes, des sauvages, pas au niveau des hommes, quoi. Voilà. Et ça, c'est insupportable. Cela dit, après, il a écrit ce livre et derrière, il disait pourquoi ? Parce que je ne veux pas être le complice, à quelque degré que ce soit, de vouloir faire payer aux Palestiniens ce que les crimes des nazis nous ont fait, quoi, finalement. Et ça, c'était, pour lui, c'était insupportable. Alors, évidemment, il a été traité de traître. Ce que tu disais, alors a priori, ça serait le Bétard qui aurait saccagé les éditions EDI. Ça n'a jamais été prouvé, mais bon, ça semble un peu évident. Il a parlé aussi de la librairie Jonas qui a été brûlée carrément. Alors, on ne sait pas les raisons, etc. Mais enfin, bon, voilà. Voilà, cette vision de traite, d'être le mauvais juif, il explique en disant « Bah oui, on raconte pour moi que j'ai la haine de moi, j'ai la haine de mes origines, mais il n'a pas du tout, comme je l'expliquais tout à l'heure, la haine de ses origines. » Pour terminer, il a dénoncé aussi les amalgames qu'il y avait entre juifs et israéliens, notamment en France, où il dit que c'est insupportable de confondre nazisme et sionisme. Il dit que ça, c'est pas la même chose. Et puis, il pointait des trucs qui, aujourd'hui, sont assez violents, notamment en disant que tout devient, dans des manifestations pour la Palestine, il y a des slogans. Il a quitté des manifestations parce qu'il disait qu'il y avait des intégristes religieux qui glissaient ça au niveau religieux, etc. Évidemment, il y a eu des morts aux juifs et il supportait pas du tout ce genre de choses. Et il m'a donné un autre exemple qui est dans mon film, évidemment. Il dit... lors d'un meeting de soutien à l'Intifada, il s'engageait réellement aux côtés du peuple palestinien. Il dit « Tout s'est bien passé ». Et puis à la fin, il y a un mec qui est arrivé vers lui, puis il a dit « Ah ouais, mais finalement, vu tes origines, t'es quand même un peu responsable de ce qui se passe là-bas. Hein. » Voilà. Et donc il dit « Bah voilà, on n'en sort pas, et pourtant, il faudrait encore lutter pour ça et essayer de changer l'ordre des choses. » Voilà. Et donc, moi, je suis... Pour finir, je suis content d'avoir eu son témoignage parce que il voulait pas au début parler, il voulait pas parler au nom en tant que juif. Mais comme c'était par rapport pour dénoncer quelque chose au nom de ses origines, il a accepté et je le remercie et ça me touche. Voilà. Peut-être qu'il y a un. Maintenant, On peut débattre, enfin. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas forcément des questions. Ou des témoignages ? Évidemment, on n'a pas traité toutes les questions. Hein. Donc nous sommes toujours en direct de La Parole Errante. Oui, je voulais juste dire... C'est le début du débat. Une info sur la continuité historique entre la répression de la police française dans les colonies et la police actuelle. C'est dans le cadre du procès des policiers, oui, des policiers du 12e arrondissement de Paris. Il y avait quelque chose d'assez incroyable. Au moment du procès, quand le juge questionnait le policier en lui demandant « Est-ce que vous pouvez nous détailler exactement ce que vous faites quand vous arrêtez les jeunes du 12e ?» Parce que je ne comprends pas, vous n'êtes pas la BAC et il n'y a pas de problème entre la population du 12e et la BAC du 12e, mais il y a des problèmes entre vous et les jeunes du 12e. Donc, qu'est-ce que vous faites que la BAC ne fait pas ? Donc, la juge demande aux policiers de détailler minute par minute ce qu'ils font. Et donc, le policier bafouille. Donc, déjà, c'est jouissif d'entendre un policier bafouiller devant le juge. Et il explique et il dit padadadadadadada. Et nous rentrons dans l'ordinateur de la préfecture. Nous cochons la case motif de l'arrestation indésirable. La juge n'arrivait pas à le croire. Elle lui a fait répéter deux fois le terme indésirable. Vous êtes sûr ? Oui, c'est dans le logiciel de la préfecture de police de Paris. Logiciel. Donc, après le procès, les avocats des jeunes ont fait des recherches et effectivement, la préfecture a ce terme dans son logiciel. C'est un terme qui n'est pas dans le code de procédure pénale, donc c'est un terme illégal. Ce terme, les sociologues comme Magda Boutros, par exemple, ont démontré que ce terme indésirable vient de la période coloniale où la police en Algérie et dans les autres colonies françaises considérait les Algériens comme des indésirables. Donc, il y a vraiment une continuité de historique entre la police actuelle est issue et le produit de la police coloniale. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec émotion que je vais parler parce que j'ai eu le plaisir et l'engagement commun de rencontrer Maurice. Moi, je suis une fille d'immigrés algériens et j'ai œuvré avec beaucoup d'autres, Daniel aussi, sur la reconnaissance du 17 octobre 61. Mon père était militant le 17 octobre 61, il était à la manifestation, comme tous les anciens aujourd'hui, à l'époque, qui manifestaient de la banlieue à Paris, avec mon compagnon d'engagement, Mehdi Lalaoui, qui a réalisé un documentaire, Le silence du fleuve, et chaque année, nous sommes au rendez-vous sur le pont Saint-Michel. Nous le serons encore plus fortement, évidemment, le 17 octobre 2021, date symbolique aussi, ces décennies. Et j'ai rencontré Maurice dans deux cadres, puisque je suis journaliste. D'abord parce que j'ai fait partie de l'équipe qui était à l'origine de Ralph Ron avec d'autres, certains sont ici. J'y écrivais des pages société, des rubriques, aussi des rubriques sur le 17 octobre 61. Et donc, on a beaucoup échangé sur la police, effectivement. Et mon plus grand bonheur a été de faire rencontrer mon père à Maurice Rachfus. Ça a été un temps inoubliable. Et ils ont parlé de la répression, ils ont parlé de la police. Et ça a été vraiment un moment très, très fort que j'ai évoqué après dans un article qui était paru à l'époque dans un journal. Et souvent, on s'est revus avec Maurice dans des rassemblements, dans des manifestations, pour des tas de raisons, d'engagement. Et voilà, et ça m'émeut d'être là ce soir, parce que c'est important qu'on soit tous ensemble pour parler de cet homme, de cet engagement commun qui me lie à lui dans cette histoire du 17 octobre 61, mais aussi dans cette identité dont vous avez parlé et sur ce questionnement que tu fais, Daniel, dans ce documentaire, et aussi sur l'engagement palestinien, parce qu'on en avait parlé aussi. Voilà, je vais être brève et j'en termine là, et je tenais à être là ce soir. Voilà, merci. Alors, comme je disais à l'instant... Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Moi, simplement, je voudrais témoigner pour avoir travaillé avec Maurice pendant plus de 10 ans sur la commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv et d'avoir participé avec lui sur des discussions au sein de classes de CN2 au moment d'aborder la Seconde Guerre mondiale, de sa capacité de discuter avec les enfants qui avaient 10, 11 ans, de leur expliquer les choses avec des mots simples, justes, et surtout de leur montrer, je veux dire, le côté un peu universel de ce problème des persécutions. C'est-à-dire, au travers de cette rafle du Vel'd'Hiv, bien sûr, on parlait de la traque des Juifs, et tout était expliqué, on avait préparé ensemble un diaporama avec des documents, mais il essaie de leur montrer effectivement de donner un côté beaucoup plus ouvert à tout ce que ces lois peuvent faire comme dégâts. Et je dois avouer qu'il n'y a jamais eu dans aucune classe, même quand les enfants ne savaient pas ce qu'il allait dire, de mouvement d'humeur, tout passait vraiment, vraiment très bien. Et deuxième chose sur la police, alors je ne sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je voulais quand même dire quelque chose, c'est que cette commémoration, donc il intervenait au cours de ces commémorations pour donner son témoignage. Je dois avouer que dans le public, chez certains, ça passait mal ce qu'il disait sur la police. J'ai eu des remarques du maire de la commune, après coup, qu'il exagérait. Alors moi, je discutais avec lui après chaque commémoration. Et parfois, effectivement, je lui disais, il y met un peu la gomme. Alors je comprenais effectivement l'histoire avec Mulot, son voisin policier qui a participé à l'arrestation. J'ai alors mieux compris ce qu'il voulait dire. Le jour où on a eu à Cachan, c'est à Cachan que ça se passe, l'évacuation d'un squat qui était le plus grand squat de France. Bon, avec 500, 600 personnes qui ont été évacuées manu militari. Et là, face à des gens qui n'étaient absolument pas violents, ont été évacués de leur squat, en présence, parce qu'il y a des élus de la République qui sont venus à la rescousse. Certains étaient dans le périmètre qui était bouclé par la police qui est venue. Et il s'est trouvé que moi, j'ai dû sortir de ce périmètre et j'ai voulu y rentrer après. J'étais en compagnie de deux autres élus. On avait nos écharpes tricolores. Et là, on a constaté, mais alors, que ça ne comptait absolument pas. Un élu de la République ne compte pas. Il y a les ordres et on obéit aux ordres. Et on a vu une dame qui avait besoin d'aller acheter de l'insuline pharmacie, interdiction de sortir du périmètre. Cette dame, elle n'allait poser aucun problème. Non, non, c'était... Et là, j'ai vraiment frémi. Là, j'ai dit, je comprends un peu, il y a un problème de culture. Et si je dis ça, alors ça, c'était il y a déjà 15 ans, bientôt, mais si je dis ça, c'est parce que quand je vois les réactions des syndicats policiers maintenant, Alliance et compagnie, on ne parle que de problèmes, de la façon de s'y prendre pour maîtriser les gens, les armes, le BD, les plaquages. À aucun moment, je n'entends pas parler de la formation, de la culture, quand même de ce corps qui est au service de la République. Alors, je veux bien qu'on parle de police républicaine, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Et je rends grâce effectivement à Maurice d'avoir effectivement fait tout ce travail qui a beaucoup de résonance avec les événements actuels et effectivement des gens qui, et ça me fait sourire, des gens qui, les mêmes certains que j'ai entendus il y a 10, 15 ans faire ces remarques, l'applaudissent. Une dernière intervention, parce qu'après, on a des petits problèmes de planning. Je vais faire très vite, c'est dommage qu'il y en ait, parce qu'il y a d'autres doigts qui se lèvent. C'est pour aller dans le même sens que ce monsieur. Moi, il se trouve que j'étais présente au moment de l'évacuation d'un des premiers grands camps de migrants sous le métro Chapelle-Barbès en 2015. Et j'avais des amis qui habitaient sur place et qui étaient tous les soirs sur le camp et qui avaient été prévenus de la date et qui avaient fait le tour en distribuant à tout le monde des petits papiers avec des numéros de téléphone pour que les gens sachent qui joindre quand ils seraient évacués, on ne savait pas où. Et à cette occasion-là, ils avaient rencontré un monsieur qui avait un problème, un monsieur déjà d'un certain âge, un monsieur africain, qui avait un problème de santé grave, à tel point que le copain l'a convaincu de venir avec lui à la Riboisière. Donc, ils y sont allés. Et à l'hôpital, le médecin ne voulait pas laisser repartir ce monsieur, en disant non, il va être en danger s'il repart sur ce campement la nuit. Mais lui, il était exclu qu'il ne soit pas le lendemain matin au camp au moment de l'évacuation parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir être comptabilisé parmi les gens qui auraient éventuellement droit à un hébergement après. Donc il voulait absolument être sur place. Le médecin avait beau lui dire qu'il risquait beaucoup du point de vue santé, il ne voulait pas. Donc le médecin lui a fait signer une décharge, mais en demandant à mon copain de l'emmener, d'aller le chercher le lendemain matin une fois qu'il aurait été recensé, pour le ramener à l'hôpital, à Bichat, pour le coup, il avait fait une lettre pour un médecin de Bichat. Donc, le monsieur a accepté de faire comme ça. Le lendemain matin, on y est allé très, très tôt, mais on pensait que le quartier allait être bouclé à 6 heures. C'était déjà bouclé à 5 heures. On n'a jamais pu rentrer. On a expliqué les choses. Le copain a montré, parce qu'il avait fait une photocopie du papier du médecin. Il a montré en disant « Il faut absolument sortir ce monsieur. Non, non, vous inquiétez pas, il y a des médecins, on va s'en occuper. » On a fait le tour de toutes les entrées du camp. Il y en avait 5. Impossible d'entrer. C'était barrage. On est allé chercher une bonne sœur à la paroisse de l'église Saint-Bernard en se disant devant une religieuse quand même, ils vont s'aider. Il n'y a pas eu moyen. Il n'y a pas eu moyen. Et ce monsieur, on n'en a plus jamais eu de nouvelles. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que... Voilà. Je suis désolée, il y a d'autres doigts qui se levaient. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que devenaient les archives et la doc de Maurice Rajfus. Ça, je peux répondre. Le fameux fichier avec les dizaines de milliers de fiches Bristol, ce qu'il a constitué entre 68 et 2014, hein, je crois qu'on n'est même pas parvenu à calculer le nombre de fiches que ça représente. En tout cas, c'est des dizaines et dizaines de boîtes qui contiennent ces fiches sur lesquelles il a répertorié dans la presse de 68 à 2014 tous les événements liés à la répression, aux mauvaises manières policières, comme il disait, aux grèves, au mouvement social en général. Toutes ces archives vont être prises en charge par la Contemporaine. L'accord a été passé, les choses sont en train de se faire. Disons que là, très prochainement, toutes ces archives seront versées au fond de la Contemporaine. Le temps qu'elles soient inventoriées, analysées, qu'il y ait un inventaire, il faudra peut-être compter entre un an et demi, deux ans, avant qu'elles soient consultables par qui souhaitera les consulter. Et bien sûr, la famille donnera son accord pour qu'elles soient consultées le plus largement possible, avec la possibilité vraisemblablement aussi d'une numérisation de ce fonds, puisque ce sont quand même des fiches pour certaines ont plus de 50 ans, presque 60, et sont relativement fragiles. Pardon ? 2014. Il a arrêté de faire ses fiches. Alors, il en a fait après, mais qui étaient plus des fiches thématiques. Hein. Mais ses fiches chronologiques depuis 68, il les a arrêtées en gros en 2014. Est-ce qu'il y aura éventuellement une réactualisation, bien sûr, Non, c'est un travail vraiment très particulier, très personnel. Hein. C'est l'histoire d'une vie à la fois de curiosité, une vie de militant. C'est le fichier qui lui a permis d'écrire beaucoup de ses livres. C'est très difficile de reprendre un travail comme celui-là. Hein. Bon, il faut savoir aussi que c'est à partir d'extraits de presse. Hein. Il découpait dans la presse tout ce qu'il trouvait sur les sujets qui l'intéressaient, et bien sûr, en particulier, tous les sujets liés à la répression. Donc, reprendre ce travail en soi, c'est... Et puis maintenant, on a des outils différents, hein, avec les liens hypertextes, avec on peut aller faire des recherches thématiques dans la presse qu'on ne pouvait pas du tout faire à l'époque. Même maintenant, on a aussi des numérisations qui permettent de faire un nombre de recherches. Je crois que ce fichier, il vaut aussi pour un travail militant. Je crois que c'est pour ça qu'il est important qu'il soit conservé, pour montrer ce qu'a été la vie de quelqu'un qu'il a consacré à cette ténacité qu'il a eue pendant 60 ans pour réaliser ce fichier et pouvoir y puiser quand il avait besoin de rechercher des éléments. Juste remercier très chaleureusement Marc, remercier aussi Nicolas Norito des éditions Libertalia, vous encourager à aller redécouvrir, acheter les œuvres de Maurice qui sont en vente donc au stand. Vous remercier chaleureusement de votre présence. Et je voulais souligner aussi l'importance du travail de Mathieu Rigouste, c'est un nom qu'on n'a pas cité, mais j'y ai pensé lorsque vous avez montré justement l'empreinte coloniale sur les pratiques de la police française ensuite, et donc c'est un travail qui est absolument fondamental, et donc je tenais aussi à saluer Mathieu au passage. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous, et on enchaîne sur... Oui. Merci. Je faisais partie de l'équipe qui gérait les entrées de la salle, et beaucoup de gens n'ont pas pu assister à la projection des films avant. Est-ce que ces films sont visibles? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a une possibilité pour ceux qui ont été empêchés d'y accéder? Merci. À part des médiathèques qui peuvent conserver ce film qui s'appelle Dans la mêlée, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est des films qui n'existent plus, en tout cas facilement. On a beaucoup de mal à se les procurer, en tout cas dans des circuits traditionnels. Hein. C'est très compliqué. On gardera ce qu'il est possible de faire avec les archives sonores, avec les archives vidéo. Dans l'air, il y a l'idée de constituer une association des amis de Maurice Rachefus dans les mois qui viennent. Donc laissez vos coordonnées, qu'on puisse vous tenir au courant de façon à ce que, si vous souhaitez suivre un peu ce qui va se passer de ce point de vue-là, vous en soyez informés. Cette table ronde s'achève, il y en a une seconde qui démarre en principe ici un quart d'heure. Entre-temps, il y a un intermède avec une comédienne qui va nous lire quelques textes issus d'un certain nombre de livres de Maurice. Mon premier instituteur, certainement très sceptique face à cette pédagogie dont la finalité était de récompenser le mérite ou la facilité, avait imaginé une approche ludique pour désacraliser les fameux bons points. Le samedi après-midi, à la fin de la dernière heure de classe, nous étions tous subitement très attentifs. Le chahut cessait, car venait l'heure de la récompense collective. Notre instituteur sortait de derrière son bureau, s'approchait au bord de l'estrade, plongeait sa main dans une de ces grandes boîtes métalliques qui avaient dû contenir du bouillon cube, puis, du geste auguste du semeur, lançait les bons points à la volée. Interdiction nous était faite de bouger, et chaque rang était méthodiquement arrosé pour que personne n'échappe à la distribution. Ensuite, afin que cette générosité ne paraisse pas aléatoire, notre maître commentait « Vous avez tous bien travaillé cette semaine ». Le nom de cet instituteur, qui n'avait guère plus de 20 ans en 1935, doit passer à la postérité. Il s'appelait Bernadou. Je ne me souviens plus de son prénom. Et son mérite était grand, car nous étions plus de 50 élèves dans cette classe de cours préparatoire. Le deuxième texte, c'est un avant-propos de « À quand j'étais juif », qui a été publié en 1982. Constat. J'ai surtout été juif durant les 50 mois qu'a duré l'occupation nazie. J'ai été juif parce que les bons Français en avaient décidé ainsi. J'ai été juif parce que l'administration française avait été au-devant des désirs de la section juive de la Gestapo, installée à Paris dès le mois de juin 1940. J'ai été juif parce que la police française, complice à 99,99% des nazis jusqu'en août 1944, veillait à faire appliquer les lois raciales édictées par le gouvernement Pétain-Laval. J'ai été juif parce que ma poitrine s'ornait d'une magnifique étoile jaune, grande comme la main d'un enfant. J'ai été juif parce que ma carte d'identité portait le cachet juif, apposé par les soins du commissariat de police de mon quartier. J'ai été juif parce que des flics, bien français, sont venus m'arrêter avec mes parents à l'aube d'une journée d'été, alors que d'autres partaient en vacances. Dès lors, j'ai été juif parce que mes parents étaient condamnés au camp de la mort. J'ai été juif parce que j'étais orphelin pendant 2 ans sans le savoir. J'ai été juif parce qu'à 14 ans, je n'avais plus le droit d'aller au cinéma, à la piscine, au musée ou même dans un jardin public. J'ai été juif pour satisfaire la lâcheté de ceux qui pouvaient clamer à tous les vents qu'ils ne l'étaient pas. Dès lors, j'ai été juif au point de croire que je l'étais vraiment. Un extrait donc de « Quand j'étais juif ». De 1941 à 1944, durant cette période où nous vivions constamment dans la crainte d'une rafle ordonnée par les nazis, ce n'était pas l'uniforme vert et gris de l'armée allemande qui nous effrayait le plus, c'était celui de la police française. Ce corps d'élite qui s'était mis spontanément au service de la politique hitlérienne de répression. Jamais les policiers français n'avaient été aussi arrogants que sous l'occupation nazie. Leur zèle était à toute épreuve. Cette fidélité à l'exécution des ordres reçus devait donner toute satisfaction au chef de la Gestapo, qui s'y connaissait en homme de main et en basse police. Nos gardiens de la paix ne rechignaient jamais à la besogne. Fallait-il rafler des juifs ? Qu'à cela ne tienne, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des malades ou des impotents. Peu importait. La consigne était scrupuleusement exécutée. Pourtant, nos flics n'étaient pas spécialement racistes, car d'un même cœur, ils pourchassaient les résistants, qu'ils soient gaullistes, communistes ou simplement suspectés de l'être. Les flics savaient que les communistes qu'ils arrêtaient étaient voués au peloton d'exécution. Dès le mois de juillet 1942, ils savaient que les juifs déportés en Pologne commençaient par leurs soins un douloureux périple qui s'achevait par l'extermination. Sinon, pourquoi quelques rares spécimens de policiers auraient-ils conseillé à certains de ceux qu'ils devaient arrêter de fuir immédiatement et le plus loin possible ? Il y eut quelques résistants, paraît-il, dans les rangs de la police avant le 19 août 1944. C'est possible. Mais pour résister commandément la nuit et paraître crédible aux yeux de leurs supérieurs le jour, ces braves gardiens de la paix résistants faisaient la part de besogne qui leur était attribuée, sans rechigner. Il y a eu, paraît-il, un certain nombre de policiers qui, au cours de la grande rafle du 16 juillet 1942, ont incité des familles à fuir. C'est possible. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ces hommes de cœur dont on prétend aujourd'hui que la police française n'était pas démunie. Il paraît qu'à la suite de cette rafle où plus de 4000 enfants devaient être arrêtés comme de vulgaires malfaiteurs, un policier a donné sa démission. Un seul. Et je n'ai pas eu le privilège de le connaître. Un autre extrait de « Quand j'étais juif », le même livre. En 1946, j'avais 18 ans quand j'ai été exclue du Parti communiste français. J'avais eu la naïveté d'affirmer que la grève était l'arme des travailleurs, à une époque où le PCF au pouvoir l'a qualifiée d'arme des trusts. La plupart des membres de la cellule à laquelle j'appartenais m'avaient connue enfant, ou adolescents désespérés pendant la guerre. Et ces irresponsables, incapables de nuances, ces salauds sans pudeur, n'avaient pas hésité, en me chassant du parti que j'avais librement choisi, à me traiter d'hitlérien, avant de lever la main sur moi. Extrait de l'avant-propos à Israël-Palestine, l'ennemi intérieur, publié en 1987. Je reviens d'un pays lointain où les anciens persécutés sont devenus persécuteurs. Je reviens d'un pays où la densité de militaires et de flics bat tous les records concevables dans une démocratie. Je reviens d'un pays raciste et qui feint de l'ignorer. Je reviens d'un pays laïque, théocratique de fait, où les rabbins font la loi, où les intégristes religieux indiquent la voie à suivre envers ces Palestiniens qu'il faudra bien chasser un jour, à moins qu'ils ne soient exterminés avant. Je reviens d'un pays dont les pères fondateurs rêvaient de faire un paradis pour juifs, qui créaient une société où il ferait bon vivre, mais qui n'ont trouvé pour modèle que cette Afrique du Sud où règne l'apartheid. Je reviens d'un pays lointain, où ma seule présence aurait pu être interprétée comme un acte de complicité, où mon faciès de blanc faisait de moi un membre à part entière d'une élite qui ne partage pas ses privilèges. Si je suis sortie du même creuset que ces Ashkénazes satisfaits, tout un monde me sépare de cette caste militaro-flicarde qui prétend jouer les gendarmes du monde libre dans ce Proche-Orient où mon père a vécu il y a bien longtemps. Je reviens d'un pays qui se situe désormais à des années-lumière d'un monde généreux, parce que les hommes n'y sont pas égaux. Je reviens d'un pays où l'on peut priver de liberté des êtres qui n'aspirent pourtant qu'à un bonheur simple. Je reviens d'un pays où l'on peut tuer impunément quiconque ose se dresser contre le vainqueur. Je reviens d'un pays où un homme peut se prétendre supérieur à un autre en raison de ses origines. Je reviens de Palestine. Manifeste, avril 1994. S'il est un domaine d'information qui n'encombre pas les colonnes des journaux, c'est bien celui concernant les activités de la police, voire de la gendarmerie française. Sauf s'il s'agit de bavures graves, les Français ne sont pas jugés dignes de connaître les harcèlements au quotidien qui s'exercent contre toute une frange de la population de ce pays. Un comportement grossier, injurieux, méprisant, provocateur, raciste, brutal et enfin sexiste, c'est tout ce que l'on peut attendre d'un gardien de la paix, dont la mission initiale est d'assurer la protection des personnes et des biens. Le policier a toujours été l'élément indispensable d'une politique de rejet et d'exclusion, permettant de masquer les difficultés économiques et sociales. La police est, aujourd'hui, le meilleur bouclier d'un système politique et économique parmi les plus réactionnaires que la France ait connu depuis 50 ans. Il n'est pas possible d'assister sans réagir à cette délégation de pouvoir exorbitante dont chaque policier dispose désormais. Dressée aujourd'hui pour conduire la chasse aux immigrés, la police sera bientôt prête à brider l'ensemble des citoyens vivant en France. La volonté est nette d'inculquer à chacun de nous la peur de la police. Ce qui doit permettre ensuite tous les abandons, tous les lâchetés dans une société en crise. Que fait la police ? Se donne pour tâche initiale de recenser toutes les informations concernant les grandes et les petites exactions des policiers, qui ont de plus en plus tendance à se considérer comme des justiciers. Tous les faits signalés par la presse de province, les témoignages visuels qui ne sont pas relatés par la presse écrite ou audiovisuelle et qui nous seront communiqués, permettront de dresser un état des lieux permanent, document indispensable si l'on ne veut pas que les acquis de notre société démocratique soient rapidement annihilés. Notre silence, face à une mise en condition préparée depuis la constitution du gouvernement Balladur-Pasqua, ferait de nous tous les complices de cet état policier. Merci.